Extrait du chapitre 25. Particularités et anecdotes. Éclat de la cour de Louis XIV. Les anecdotes sont un champ resserré où l'on glane après la vaste moisson de l'histoire. Ce sont de petits détails, longtemps cachés, et de là vient le nom d'anecdote. Ils intéressent le public quand ils concernent des personnes illustres. La vie des grands hommes, dans Plutarque, sont un recueil d'anecdotes plus agréables que certaines. Comment aurait-il eu des mémoires fidèles de la vie privée de Thésée et de Lycurgue? Il y a, dans la plupart des maximes qui mettent dans la bouille de ces héros, plus d'utilité de morale que de vérité historique. L'histoire secrète de Justinien, par Procope, est une satire, dictée par la vengeance. Et, quoique la vengeance puisse dire la vérité, cette satire, qui contredit l'histoire publique de Procope, ne paraît pas toujours vraie. Il n'est pas permis aujourd'hui d'imiter Plutarque, encore moins Procope. Nous n'admettons pour vérités historiques que celles qui sont garanties. Quand des contemporains, comme le cardinal de Ré et le duc de La Rochefoucauld, ennemis l'un de l'autre, confirment le même fait dans leur mémoire, ce fait est indubitable. Quand ils se contredisent, il faut douter. Ce qui n'est point vraisemblable ne doit point être cru, à moins que plusieurs contemporains, dignes de foi, ne déposent unanimement. Les anecdotes les plus utiles et les plus précieuses sont les écrits secrets que laissent les grands princes quand la candeur de leur âme se manifeste dans ces monuments. Tels sont ceux que je rapporte de Louis XIV.